Un jour, il se présenta pour Madame Arnoux. Elle était sortie. Monsieur travaillait en bas dans le magasin. En effet, Arnoux, au milieu de ses potiches, tâchait d'enfoncer de jeunes mariés des bourgeois de la province. Il parlait du tournage et du tournassage, du truité et du glacé. Les autres, ne voulant pas avoir l'air de n'y rien comprendre, faisaient des signes d'approbation et achetaient. Quand les chalands furent dehors, il conta qu'il avait eu le matin avec sa femme une petite altercation. Pour prévenir les observations sur la dépense, il avait affirmé que la maréchale n'était plus sa maîtresse. Je lui ai même dit que c'était la vôtre. Frédéric fut indigné. Mais des reproches pouvaient le trahir, il balbutia. « Ah, vous avez eu tort, grand tort. Qu'est-ce que ça fait, dit Arnoux. Où est le déshonneur de passer pour son amant? Je le suis bien, moi. Ne seriez-vous pas flatté de l'être ? » Avait-elle parlé ? Était-ce une allusion ? Frédéric se hâta de répondre. « Non, pas du tout, au contraire. »« Eh bien alors ?»« Oui, c'est vrai, cela n'y fait rien. » Arnaud reprit. « Pourquoi ne venez-vous plus là-bas ? » Frédéric promit d'y retourner. « Ah, j'oubliais. Vous devriez, en causant de Rosanette, lâcher à ma femme quelque chose, je ne sais pas quoi, mais vous trouverez quelque chose qui la persuade que vous êtes son amant. Je vous donne cela comme un service, hein ?» Le jeune homme, pour toute réponse, fit une grimace ambiguë. Cette calomnie le perdait. Il alla le soir même chez elle et jura que l'allégation d'Arnoux était fausse. Bien vrai ? Il paraissait sincère. Et quand elle eut respiré largement, elle lui dit « Je vous crois », avec un beau sourire. Puis, elle baissa la tête et, sans le regarder, « Au reste, personne n'a de droit sur vous. » Elle ne devinait donc rien. Elle le méprisait, puisqu'elle ne pensait pas qu'il pût assez l'aimer pour lui être fidèle. Frédéric, oubliant ses tentatives près de l'autre, trouvait la permission outrageante. Ensuite, elle le pria d'aller quelquefois, entre guillemets, chez cette femme, pour voir un peu ce qui en était. Arnoux survint, et 5 minutes après, voulut l'entraîner chez Rosanette. La situation devenait intolérable.